Chapitre 11e. Ils atteignirent le mois de juin. À part sa fantastique pâleur, l'enfant demeurait normal. La nourrice, qui l'avait d'abord presque effrayé, le prenait en affection. Il criait rarement. Il avait de grands yeux glaciques, un peu plats, qui semblaient déjà reconnaître les choses et les êtres. James l'adorait, et Evelyn, malgré les retours de crainte, s'attacha à sa singulière petite personne. « Il n'est pourtant pas comme les autres enfants, » disait-elle parfois à Blowinkle. Il affirmait le contraire, et bien anglo-saxon en ceci, il se força à le croire par devoir paternel, par amour du conformisme, peut-être aussi parce qu'il sentait que sa chance d'être aimé par Evelyn en dépendait. Leur intimité se consolidait. Un matin qu'il lui avait dit des paroles tendres, Evelyn répondit « Mais vous savez que je ne me considère pas comme votre femme. Comment faire pour nous marier ?» Il tâcha de la raisonner. Il lui montra qu'ils étaient mariés devant les hommes et que par suite, il suffisait de leur consentement mutuel pour que ce mariage devint réel et irréprochable. Elle ne se rendit pas. Elle avait maladivement besoin d'une sanction. James se tortura l'esprit pour résoudre ce problème bizarre et irritant. Il songea d'abord à un divorce, suivi d'un nouveau mariage. Mais cette solution exigerait des mensonges auxquels Evelyn ne se serait jamais résolue et qui répugnait aussi au jeune homme. À force de réfléchir, il vint une idée. « Ne suffirait-il pas, dit-il, qu'un prêtre confirme notre mariage ?»« Oui, répondit-elle, cela suffirait. » Alors James alla trouver le vicaire de Saint-Georges vis-à-vis duquel il se résigna à farder la vérité. Homme peu subtil, le vicaire comprit qu'il s'agissait d'une femme excentrique et qui avait la maladie du scrupule. C'était un clergyman surnourri que les besoins temporels du culte inclinaient à l'indulgence. « Nous ne devons pas juger légèrement le prochain, dit-il. Le scrupule est propre aux âmes d'élite. Ce que vous me demandez n'est pas positivement prévu, mais ce n'est pas défendu. Les frais, naturellement. » Il toussa en épiant Blowinkle. « Les frais ne sont pas une objection, répondit paisiblement le jeune homme. Et cette riposte ayant une vertu décisive, Evelyn et Blowinkle parurent devant le vicaire de Saint-Georges qui leur délivra un joli petit sermon sur les devoirs du mariage et conclut « Evelyn Grovedale a déjà été donnée à cet homme, dans cette même église, et James Blowinkle a pris Evelyn Grovedale sous sa garde. Ils se sont promis d'être l'un à l'autre, pour le mieux et pour le pire, et de s'aimer dans la richesse et dans la pauvreté. Je rappelle à la femme qu'elle doit obéissance à son mari et à l'homme qu'il doit protection à son épouse. La bénédiction du Seigneur sera sur leur mariage. » Ensuite de quoi James versa 3 livres sterling, 7 shillings et 6 pence dans l'adextre du sieur Blackfoot, droguiste et sacristain. La beauté du temps les entraîna, en voiture, jusqu'à Epping Forest, où la vieille Angleterre conserve des chênes immenses et des ormes fabuleux. Ils rôdèrent sous les pesants tramures, s'assirent sur la mousse hospitalière, consommèrent le roast beef, le pudding et l'ale dans une auberge des vieux temps, et le soir, tournés vers le couchant, devant les nues géantes où étincelaient les fables, les légendes et les chimères, et fut la Vierge qui laisse flotter sa chevelure sur l'épaule du bien-aimé, il fut le conquérant qui emporte la toison vermeille. Il y eut des matins et il y eut des soirs. Le passé était derrière eux comme un rêve. James se demandait si tout cela en vérité n'avait pas été un rêve. Un matin qu'il y songeait, Evelyn encore endormie, il vit la nourrice sur le perron du jardin arrière. Elle berçait doucement le jeune Walter, dont les yeux glauques regardaient les arbres d'un air terriblement méditatif. James eut un élan de tendresse vers le petit être et le prit dans ses bras. Il le promena à travers la pelouse, et peu à peu, le baby s'était mis à sourire, d'un sourire qui étonnait James. « Il est certain, songea le père, que ce boy ne ressemble à aucun autre enfant. » Il eut un tressaillement d'inquiétude. Les jours d'antan revinrent. Il vit la première Evelyn et son visage livide. Il revécut cette nuit affolante où il avait découvert le secret. Puis encore, il se retrouva auprès de la moribonde. Il veilla l'étrange cadavre. Se peut-il que Walter n'ait hérité d'elle que sa pâleur? Il s'était arrêté sous un troène. Ses yeux rencontrèrent le regard attentif du baby. Et l'idée lui venant de tenter une épreuve, il introduisit l'extrémité de son annulaire dans la bouche rose. Tout de suite, les lèvres se refermèrent. James éprouva, quoique faiblement, une sensation qu'il connaissait bien. Il attendit 2 minutes et quand il retira l'annulaire, il y avait de très fines gouttelettes roses. « C'est un vampire, » chuchota-t-il, et il tremblait d'épouvante. Il ne se trompait pas. Le jeune Walter Blowinkle est effectivement un vampire, et pendant longtemps, son père ne l'avoua à personne, pas même à Evelyn. Mais c'est un vampire inoffensif. Il jouit seulement du pouvoir de soutirer le sang à travers les pores de la peau, sans que celle-ci éprouve aucun dommage. Il a aussi une intelligence très précoce, et tournée vers les mystères de l'au-delà. Percy Coleman, à qui, lors d'une maladie du petit James, s'est enfin cru obligé à faire des confidences, ne donna pas Walter pour une église en or. On dit que ce neurologiste doit au jeune vampire une découverte prodigieuse qu'il va prochainement faire connaître à la vieille Angleterre et qui bouleversera les sciences biologiques plus profondément encore que la radioactivité ne bouleversa les sciences physico-chimiques. Ainsi s'achève « Les jeunes vampires » par J.H. Rooney aîné.